weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young, and you hella grown. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 107 FM à l'écoute de Radio Gemozo. Coucou à tous ceux qui nous écoutent sur internet ou via appli gratuite pour smartphone. Et c'est bien le moment de s'envoler à bord de la bulle. Bienvenue et avec nous, eh bien, pour ce voyage d'aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie qui vient nous parler du Torrent d'Axel, une trilogie d'écriture. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour à vous. Comment vas-tu ? Bah, très bien. Eh ben, c'est super. Merci à toi d'être venu jusqu'ici pour nous parler eh bien, de ce premier tome hein, qui vient de paraître. Donc le premier tome d'une trilogie qui se nomme Torrent d'Axel, c'est ça le premier? C'est bien ça. Le premier tome, comment s'appelle-t-il? Donc le premier tome, c'est Monsieur, apprenez-moi. Voilà. Alors c'est un petit peu, voilà, ça a une tendance un petit peu romantique, érotique, on le dit voilà, tout oui. de suite. C'est de la new romance, exactement. C'est vrai? Oui. Ok, on dit comme ça, de la voilà. new romance. C'est ça. On va en apprendre plein aujourd'hui. Alors ce premier tome, il vient d'être publié le 17 mai, oui. c'est ça? Oui, voilà, en numérique le 17 mai. D'accord. Et puis en version papier depuis jeudi dernier. Ah oui, c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent. Et ben voilà, en exclusivité en plus, c'est parfait. Alors pourquoi tu as choisi un petit peu ce titre à cette trilogie, Le Torrent d'Axel ? Donc Le Torrent parce que sa vie est vraiment pleine de rebondissements et donc je trouvais que la définition de torrent correspondait exactement à ce qui va se passer dans toute la vie d'Axel puisqu'on la suit sur une longue période. Oui. On la suit de ses 17 ans à environ 35 ans. D'accord. Donc du coup, ah oui. Voilà, on va la suivre longtemps. Il va se passer beaucoup de choses dans sa vie et le torrent me paraissait être une bonne définition. D'accord. Alors quand tu dis qu'on la suit de 17 à 35 ans, ça se passera tout au long des tomes. Voilà, c'est ça. Le premier tome, pour se situer, elle a donc 17 ans. Voilà, elle a 17 ans au début du premier tome et à la fin, elle en a 19. Donc il y a certains tomes qui sont plus rapides que d'autres. D'accord. Où il se passe plus ou moins de choses durant D'accord. des périodes... spécifique de sa vie. Ok, parce qu'il est quand même bien garni, le torrent, j'allais dire, le roman. Oui. C'est pas un petit roman, c'est un vrai roman. Moi, je l'ai sous les yeux et franchement, je vous garantis, mais on a lu les avis, hein, les gens le dévorent. Apparemment, c'est pas parce qu'il est gros qu'on mettra beaucoup de temps à le lire. Hein. Il y a des gens qui l'ont lu en une journée. Oui, voilà, c'est ça. Il y a 560 pages, donc il y a des lecteurs rapides. Ben voilà, mais quand on est pris un petit peu dans une histoire qu'on adore, on ne peut plus s'en passer, c'est un peu addictif la lecture parfois. Exactement. Exactement. Alors, qui est cette fameuse Axel, héroïne de cette trilogie? Donc Axel, eh bien, c'est une jeune fille... C'est une jeune fille pleine d'enthousiasme, qui est bien dans sa peau et qui va rencontrer... Enfin, qui va tomber en fait amoureuse de son professeur D'accord. de lycée, voilà, avec qui donc elle va avoir une aventure, mais je vais pas trop en révéler. Ah non. Et professeur d'espagnol. Voilà, c'est ça. On situe un petit peu, oui. Voilà, parce que les Espagnols, eh bien, ils ont un charme bien à eux. Mais il est argentin, Ah pardon, le professeur. Il est argentin. Ouais, ouais. Bon bah c'est pareil, hein, ils ont aussi un charme. C'est un latino, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà, donc. Elle est pas, c'est pas une fille qui est spécialement dragueuse ou quelque chose, et finalement elle va se lancer le défi de le séduire et ça va marcher. Donc, oui. Vous allez découvrir ce qui va se passer avec Juan, c'est le personnage masculin qui lui a 34 ans, donc est plus âgé et qui en plus a une vie posée puisqu'il est marié et papa. D'accord. Donc ça va aussi bouleverser énormément sa vie à lui. Et ça va leur créer pas mal de soucis. D'accord. Ce genre de lecture, c'est plutôt pour les hommes, pour les femmes, pour les deux? Alors, en général, je touche plus à un public féminin. Oui. Mais j'ai quelques hommes qui ont déjà lu le livre. Après, c'est vrai que c'est quand même plutôt féminin. Parce que du coup, il y a deux personnages principaux. Oui. Il y a Axel et Juan. C'est ça. Et du coup, bah, peut-être que certains hommes peuvent aussi se mettre à la place de... Oui, à la place de Juan, surtout que j'ai pris le parti d'entrer dans la peau des deux personnages. D'accord. C'est-à-dire qu'on a toujours Axel ou Juan qui parle. Donc, on est soit dans la tête d'Axel, soit dans la tête de Juan. Et de temps en temps, pour couper un peu ce duo, je fais intervenir un personnage tertiaire ou secondaire qui prend la parole pendant un petit temps. D'accord. Voilà. Un petit temps neutre. Un petit temps neutre, ou alors qui donne son avis, comme par exemple la meilleure amie d'Axel qui a une place importante, ou sa maman. Chacha. Voilà. Sa meilleure amie, Charlie, Chacha. C'est ça, hein, voilà. Et donc sa maman aussi prend deux fois la parole. D'accord. Ouais. Ça donne un petit avis objectif sur les choses pour pas que le lecteur soit tout le temps pris à partie. C'est ça, exactement. Et puis de temps en temps, surtout vers la fin, on a la femme de Juan qui prend la main de temps en temps. Ah mais... Parce que c'est quand même un personnage très important finalement, hein, puisqu'elle est très concernée par l'histoire aussi. Ah bah oui, là, c'est pour le coup, ça, c'est sûr. Alors, focus un petit peu sur ton parcours. Il me semble que tu n'en es pas à ton coup d'essai point de vue écriture. Tu avais déjà écrit d'autres choses avant, pas forcément publiées, mais en tout voilà, cas... Voilà, c'est ça. Surtout quand j'étais ado, j'écrivais des petites nouvelles que je faisais lire à mes amis. D'accord. Et puis après, je me suis lancée directement dans l'écriture... Du torrent d'Axel. J'avais laissé l'écriture de côté un temps, quand j'ai fait mes études surtout. D'accord. Voilà, et j'avais plus le temps forcément. Ouais. Et puis maintenant j'ai repris le temps d'écrire la nuit surtout. Ah ouh, d'accord. Voilà. Et oui, il faut arriver à jongler... Avec le travail, les enfants et l'écriture. Et ben voilà, encore une superwoman au sein de la bulle dans les studios de Radio Guémozo. Elle travaille, elle écrit et elle a des enfants. Voilà, c'est multicasquette. Est-ce que c'est facile de faire ça, de s'organiser pour écrire ? Et ben, pas toujours. Oui. Heureusement, mes enfants dorment bien, donc je suis tranquille relativement tôt le soir. Ok. Et puis, comme mon conjoint travaille uniquement en déplacement, la semaine, je suis donc seule et j'ai mes soirées. D'accord. Mes soirées pour entrer justement dans ma bulle. Oui. Je mets mon casque, je mets ma musique et j'écris. Et bien justement, en parlant de ça, tu me donnes une belle perche. Tu as prévu une playlist, oui, pour voilà, ceux oui. qui écoutent. J'ai prévu une playlist. Ouais. Donc elle est disponible sur ma page et sur mon blog pour d'accord. ceux qui veulent la retrouver. Et sinon, les titres sont donnés au fur et à mesure dans le livre. Ça, c'est chouette, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, on peut lire en musique et être vraiment dans l'ambiance, si on aime ça. C'est des musiques que toi, tu écoutes au moment où tu écris oui, le oui, moment oui, quelquefois, je me répète la musique 10 fois, par exemple, parce que le temps d'écrire un passage, forcément, c'est plus long qu'une seule musique. D'accord. Donc, pour être vraiment dedans, des fois, ça m'arrive de répéter en boucle une musique et d'écrire sur cette musique. Et ça fait quoi ? Ça te fait remonter certaines émotions ? Oui, voilà, ça m'inspire, ça me fait travailler les émotions des personnages. C'est sympa. Voilà. Et comment t'as choisi cette playlist ? Eh ben, je l'ai choisie intuitivement, on va ouais. dire. C'est des musiques que j'ai déjà entendues et que j'ai pensé adapter à ce moment. Et effectivement, une fois que j'ai trouvé la bonne musique, après, c'est parti. Est-ce qu'un jour, quand tu écrivais tes nouvelles, tu as eu cette idée que tu deviendrais vraiment auteur et que tu sortirais un roman, notamment là, carrément une trilogie ? Alors non, jamais. J'avais jamais eu cette ambition. Et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas. J'avais cette idée, cette histoire, en fait, je l'ai construite pendant quelques années, hein, on va dire, forcément, parce que j'ai déjà la fin du tome 3 hein, en tête. Donc, ah oui voilà. Et j'ai commencé à écrire ma trame en septembre 2017. Donc d'accord. C'est quelque chose que j'ai écrit à la main, environ une centaine de pages par tome. D'accord. Et puis ensuite, je développe autour des thèmes principaux de ma trame pour avoir mon livre. Donc effectivement, je me suis lancée comme ça. Waouh. Un jour, ça m'a pris, voilà. Alors, quand tu dis ta trame, c'est quoi qu'on retrouve à l'intérieur ? C'est tes personnages ? Voilà, c'est mes personnages, c'est les moments clés, les aventures particulières, enfin les moments, les points importants. Oui. Voilà. Et puis ensuite, bah moi, je brode autour de ces moments importants pour les rendre sympa à lire. Tu définis tout de suite le trait de caractère de tes personnages. Ça sera plutôt excentrique, plutôt réservé. C'est ça, oui, mais on connaît tout de suite les personnages, surtout dans un tome 1 où on a envie de s'imprégner des personnages rapidement. Oui. Donc il faut qu'il se passe rapidement de l'action et qu'on comprenne vite les personnages. Dans le tome 2, je prends plus mon temps pour, parce que c'est toujours Axel, notre personnage principal, donc on la connaît. Et c'est vrai qu'on apprécie après prendre le temps pour la suite des aventures. Bah oui, c'est chouette. On a hâte de rencontrer Axel et puis tout le reste des personnages. Combien il y en a des personnages vraiment principaux? Donc, principaux, donc on a Axel et Rouen et la meilleure amie d'Axel, donc Charlie. Ses parents qui sont très présents. D'accord. Et ses frères et sœurs aussi, puisqu'ils vont avoir un rôle essentiel pour elle. Forcément, elle est adolescente. Oui. Donc, elle a encore sa famille. Elle compte beaucoup sur sa famille. Alors, quand on parle d'adolescents, justement, est-ce que ton livre peut être lu par des adolescents ou encore pas trop ? J'ai déjà des adolescentes, enfin des grandes, d'à peu près 16 ans, qui ont déjà lu le livre et qui ont beaucoup aimé. Oui. Ça reste prude quand même ? Non, c'est pas prude, mais je pense qu'elles apprécient malgré tout le fait que ce soit plutôt cru. Alors, on parlait de la personnalité des personnages. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques traits de caractère justement d'Axel ? Donc Axel, c'est quelqu'un qui n'est pas réservé. Elle est sûre d'elle plutôt. Ouais. Voilà, dans la vie en général, puisque elle fait partie d'un groupe politique au sein duquel elle prend la parole, etc. Donc elle est vraiment à l'aise. Oui, c'est sa maman d'ailleurs qui l'a un petit c'est peu ça, c'est indiqué. Sa maman qui lui a donné le goût de l'engagement. D'accord. Et puis, les garçons, on ne sait pas trop son truc au départ, parce qu'effectivement, les garçons de son âge ne l'intéressent pas, donc elle n'est pas du tout dans cette optique, elle est vraiment politique, études, etc. Elle sait ce qu'elle veut faire après son bac. Elle est sérieuse. Quoi. Elle est sérieuse, voilà. Et elle n'a pas eu spécialement beaucoup d'aventures avant. D'accord. Elle en a quand même eu. Hein. Ce sera pas sa première fois avec cet homme-là. Mais voilà, pour elle, c'est sérieux et sûre d'elle. Voilà, bien dans voilà, sa peau, bien, comme bien tu l'as bien dit. Dans sa peau, ouais. Ça se situe où, cette histoire Donc, cette histoire, j'ai décidé de la faire en Alsace. D'accord, pas très loin d'ici. À Saint-Louis, en fait, exactement, okay. La ville de départ. Après, elle va déménager au fur et à mesure de l'histoire. Ah oui, 35 ans à la fin, oui, c'est sûr. Heureusement c'est qu'elle ça. Reste pas chez papa-maman. C'est ça. Donc, après, voilà, elle va partir faire ses études à Strasbourg. Et puis ensuite, je vais pas révéler pourquoi elle va déménager non, encore. Non, mais... non. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous serez bien obligé de lire, mais ce ne sera pas une obligation, ça restera un vrai plaisir. Pourquoi tu as choisi l'Alsace pour commencer cette aventure ? Eh bien, parce que j'aime bien, c'est une région que j'aime bien et j'avais pas envie que ce soit spécialement dans les Vosges parce que je voulais pas non plus que ce soit trop associé à moi. D'accord. Déjà que physiquement, je lui ai tiré des traits de... Oui. Des traits de moi-même, donc je voulais pas que tout se rapporte à moi, parce que c'est pas du tout autobiographique. Donc... Ah bon ? Heureusement pour moi, d'ailleurs. et donc, comme j'aime bien l'Alsace et que la région de Saint-Louis-Bâle me plaît pas mal, j'ai décidé de commencer l'histoire là-bas. Tu tenais quand même à te rapprocher d'un lieu que tu connais ? Oui, j'avais besoin de connaître les paysages, puisque forcément, il y a des descriptions, oui. Hein, donc... J'avais besoin de connaître. Donc, tous les endroits du livre sont des endroits que j'ai déjà côtoyés. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Alors, avant d'en savoir plus sur l'histoire trépidante d'Axel et puis celle d'Anne-Sophie aussi, hein, on ne t'oublie pas. Non. Eh bien, on se lance dans notre première bulle de son avec Crazy in Love, un petit remix de Beyoncé sorti tout droit de 50 nuances de Grey, parce que moi, j'ai tellement pensé à ça quand j'ai commencé à lire les premières pages. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Oh, no. you got me. Ce son, c'est moi qui l'ai choisi, mais alors tu aurais pu le mettre dans ta playlist, je crois. Hein? Exactement, j'aurais pu. Mais bon, c'était un peu copié hein, quand même. Oui, ça aurait été trop copié là, mais je pense qu'on pouvait vraiment être inspiré par ce son tout droit sorti des 50 nuances de Grey. Voilà, très très inspirant, en tout cas pour ma part. Hein. Bien voilà. Sûr. Alors, on parle bien entendu eh bien, de cette trilogie Le Torrent d'Axel, écrit aujourd'hui, eh bien, pas écrit aujourd'hui, hein, mais écrit par notre invitée d'aujourd'hui, Anne-Sophie. Merci encore beaucoup à toi d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler déjà du tome 1, Monsieur, apprenez-moi. Voilà, on en sait déjà un petit peu plus. Et puis rien que le titre nous donne quelques indices. C'est ça. Alors, comment es-tu tombée dans la marmite de l'écriture ? Tu nous disais que tu écrivais quelques nouvelles quand tu étais adolescente, mais est-ce que tu avais déjà des dispositions à l'écriture ? Tu baignais un petit peu dans un milieu familial où il y avait beaucoup de littérature. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, pas du tout. Donc, moi, mes parents ne sont pas des grands lecteurs, donc je tiens pas ça d'eux, on va dire. D'accord. Et j'ai fait un bac scientifique, donc ah oui. aucun rapport avec le littéraire. Mais j'ai toujours aimé. En fait, j'ai eu pris goût à la lecture grâce à une professeure de français en quatrième, voilà, qui nous donnait vraiment de bons livres à lire, contrairement à certains professeurs. Oui, ça arrive c'est... des fois que ce soit pas toujours. Enfin, c'est le programme, hein, c'est pas forcément eux qui choisissent, mais quelquefois ils peuvent ajuster. Et là, cette professeure avait vraiment de bons titres, et c'est là que j'ai pris goût à la lecture. Et puis ensuite, je me suis vraiment mise dans la lecture romance, new romance, quand j'étais étudiante. D'accord. Voilà, donc plus après 18 ans finalement. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir écrire la new romance. D'accord. Parce que je trouvais le thème plutôt sympa. C'est ça qui t'a inspirée ? C'est ça. Tu t'es dit, je vais essayer. Et, oui. Est-ce que tu avais fait des premières ébauches avant d'écrire le premier tome ? Alors, celle que je faisais quand j'étais adolescente n'était pas du tout de la new romance. Hein. Bon, c'était quand même du genre sentimental, mais pas ce genre-là. Oui. Et puis donc avant le torrent d'Axel, non, puisque vraiment c'est une histoire que j'ai mis du temps à construire, puisque ça se passe sur de longues années. Oui. Et je voulais vraiment avoir des personnages précis, donc c'est vrai que ça m'a pris du temps et je me suis lancée directement dans l'écriture. Après, j'ai remanié certains chapitres, j'ai fait lire à des amis VIP. Oui. Voilà. Que tu remercies à la fin. Que je remercie, voilà, les chapitres au fur et à mesure. Et puis on en a discuté, j'en ai remanié certains. Et voilà comment est sorti le torrent d'Axel final. Mais alors, ça doit quand même être quelque chose d'un petit peu éprouvant quand tu mets à nu ce que tu viens d'écrire, surtout dans la new romance, on l'a compris, il y a une pointe d'érotisme, voilà, même oui, pas oui. parfois qu'une pointe. Non, exactement. Il y a parfois une grosse bassine, voilà. Mais voilà, un torrent, hein, on peut le dire. Exactement. Comment ça se passe quand tu fais lire ces passages-là ? Donc... Commencer par mes amis, c'était facile, on va dire, puisqu'on est, on n'a pas de tabou, oui. on va dire, on parle librement entre nous. Et ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est quand d'autres personnes vont le lire, c'est-à-dire peut-être ma famille. Voilà. Voilà, quand ma famille va le lire, ou ma belle-famille, peut-être. Mais voilà, pour mes amis, j'ai pas eu de soucis, pour les gens que je connais pas, encore moins. Mais c'est vrai, c'est plus pour la famille... T'as eu des retours déjà ? Alors, de ma famille, j'ai une cousine qui l'a commencé, donc qui accroche bien, ouais. qui est contente de le lire. Et puis, ma maman l'a commandé. D'accord. Donc, elle va bientôt le commencer. J'ai ma tante aussi qui veut le lire. Donc, j'ai déjà... Ma maman n'avait jamais lu New Romance, donc je lui ai déjà prêté un livre du style pour qu'elle voit un petit peu dans... Mets-toi dans le bain, dans maman. Quoi, dans quoi elle va se plonger. Fais attention. Mais voilà, donc elle a lu un premier livre, on verra bien. Tu appréhendes un petit peu sa réaction ? Non, j'appréhende pas sa réaction, puisqu'on a toujours parlé de tout, sans forcément rentrer dans ce genre de détails, mais on a une bonne relation, voilà, avec ma mère, donc je m'inquiète pas trop. Puis bon, c'est un roman, ça reste... Et c'est un roman. Après, je me dis que... qu'elle se dise que c'est sorti de la tête de sa fille, bon, ça peut être un peu perturbant, ou si plus tard mes enfants le lisent, voilà, je me dis que c'est un peu... Mais bon... C'est ta sensibilité, tu assumes, c'est ça. Tu moi, le portes très bien, ouais, ouais. Et c'est parfait. Du coup, tu as un compagnon dans ta oui, vie, hein, le papa oui. de tes enfants. C'est ça. Est-ce que lui, il t'a soutenu ? Oui, alors il me soutient beaucoup, donc il ne l'a pas lu, parce que c'est pas du tout un grand lecteur, d'accord. mais par contre, il aime que je lui raconte chapitre par chapitre au fur et à mesure que j'écris le livre, donc il est tout à fait au courant de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est chouette. Et il me soutient beaucoup dans cette aventure. Ouais. Ah bah c'est parfait, on le salue. On le salue. Et tes amis, ta famille aussi, c'est coucou ça. À tout le monde. Est-ce que dans Axel, il y a un peu d'Anne-Sophie ? Il y a un peu d'Anne-Sophie, oui, effectivement. Puisque pour pouvoir écrire sur elle, j'avais besoin que ce soit un personnage qui me ressemble un petit peu. Oui. Donc c'est comme peut-être une moi parallèle. Voilà, une moi parallèle, ça peut être une bonne définition, effectivement. Un petit peu ton côté caché ? Oui, oui, oui, parce que quand on me voit comme ça, je cache bien mon jeu. Méfiez-vous, c'est les pires. C'est celles qui font sage sont parfois les voilà. plus libres, en fait. Il ne faut pas se fier aux apparences. Non, pas du tout. Alors, tu nous parlais un petit peu du temps qu'a pris cette histoire à émerger dans ta tête. Mm-hmm. Quand on écrit, quand on a envie d'écrire, c'est vrai que parfois, pendant des mois et des mois, même voire des années, on a toujours un petit grain quelque part, voilà, de quelque chose qu'on a envie d'écrire. L'histoire continue à l'intérieur de nos têtes. Comment ça se passe quand tu mets tout ça sur papier ? Combien de temps déjà tu as attendu pour écrire à partir du moment où tu as eu la première... idée, la première fois où tu as rencontré Axel, j'ai envie de dire. Eh ben, je pense que j'ai mis à peu près 2 ans avant de me lancer. Donc ouais. J'avais cette histoire qui se construisait et ensuite je me suis dit bon bah je vais essayer de la poser sur papier parce que finalement ça prend de la place hein, dans ouais, la tête ouais, quand ouais. on a toute cette histoire. Donc l'écrire peut-être que ça aidera à faire un petit peu de vide et puis j'ai trouvé mes trames pas mal. Ouais. Donc je me suis dit bah je vais essayer de les taper. Et puis là, je suis entrée dans l'aventure de l'écriture comme ça, finalement. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai toujours plein d'idées, j'aime bien... Tu es créative. Voilà, j'ai un côté créatif. J'ai fait des études d'architecture d'intérieur, donc, d'accord. Ce qui fait que le côté créatif, effectivement, existe. Est déjà là. C'est chouette. Et j'ai toujours aimé voilà, la photo, le dessin, la lecture. D'accord. Est-ce que tu as suivi des stages, des blogs sur Internet pour te donner un petit peu poser un petit peu les choses pour comment écrire, en fait, ou est-ce que vraiment c'est venu naturellement? Donc j'ai téléchargé en fait un document qui expliquait la démarche avant juste l'écriture. Donc oui. C'est là que j'ai trouvé l'idée de la trame. D'accord. Voilà, écrire une trame, c'est très important, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, parce que quelquefois je peux me perdre un peu dans mes pensées. Donc reprendre ma trame, ça m'aide à retrouver le fil. Et après, j'ai des passages qui n'étaient pas dans la trame et qui me sont venus au fur et à mesure, mais la trame, c'est vraiment un support très très important, quoi. C'est les racines, en fait. Est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, d'assister à certaines conférences, je pense aux imaginales, qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça? Alors, ce n'était pas du tout dans le style que toi, tu écris, c'est plutôt dans l'imaginaire, mais j'ai eu la chance de pouvoir assister à des conférences, à comment construire ces personnages, etc. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de suivre un petit peu donc ce genre de choses? Donc, j'y étais allée l'année dernière, aux imaginales. Voilà. Cette année, je n'ai pas pu les faire, mais l'année dernière, effectivement, j'y étais allée. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant. Et sinon, je suis allée au Salon du Livre de Metz. D'accord. Aussi. Donc là, il y avait pas mal de conférences également. Puis des rencontres d'auteurs, ça doit donner envie. Des rencontres d'auteurs, oui, c'est ça. Peut-être quand qu'un jour, tu auras ton stand. Peut-être qu'un jour, j'aurai mon stand. D'ailleurs, je vais déjà faire une séance de dédicace en septembre. Et oui, le 1er septembre, chez Coup de Foudre à Épinal. Exactement. Hein, ouais. T'as vu, je sais. C'est ça. En plus, chez Coup de Foudre, moi, je trouvais que ça sonnait tellement bien avec tout ça. Voilà, c'est vraiment, on s'est bien trouvé. Donc du coup, victime de ton succès, tu dois organiser une séance de dédicace parce que là, t'es trop débordée. Voilà, disons que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, et le souci, c'est que je n'aurai pas le temps de voir tout le monde pendant les vacances, puisqu'il y a le travail. Il y a mes propres vacances où on s'absente, la vie privée, plus de deux semaines. Oui. Quoi, donc, Est-ce que pendant deux semaines, tu vas réussir à lâcher Axel, ou va-t-elle venir en vacances? Je vais avoir du mal, je pense qu'elle va venir avec moi, mon ordinateur. L'ordinateur va me suivre. J'imagine. Alors, on parlait d'une playlist que tu as concoctée pour toi-même déjà, puis après pour tes lecteurs, pour les immerger dans la situation et puis dans ta façon un petit peu de voir les choses au sein de ce roman. Donc, tu disais que cette playlist, on pouvait la retrouver sur ta page Facebook. Sur ma page Facebook, sur mon blog aussi. Alors, quel est le nom de ton blog? Donc, c'est letorrentdaxel.wordpress.com. Et ben voilà, super. Voilà. Donc, le deuxième son que nous allons écouter, il sort tout droit de cette playlist-là que tu as concoctée, Havana de Camila Cabello. Et on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Take me back. Nous revoilà sur Radio Gémozo avec aujourd'hui Anne-Sophie qui est à la tête d'une nouvelle trilogie qui va vous prendre par les tripes sans aucun doute, Le Torrent d'Axel. Nous parlons du tome 1 aujourd'hui, monsieur, apprenez-moi, on ne parle pas que de ça, on parle aussi de ton parcours parce que c'est intéressant de savoir un petit peu le parcours des invités que nous rencontrons et puis écrire un livre, c'est pas rien quand même, c'est beaucoup de travail, d'investissement et on est ravie que tu sois là aujourd'hui pour nous en parler. Merci à vous. Alors, on disait un petit peu que dans Anne-Sophie, il y avait un petit peu d'Axel et dans Axel, un petit peu d'Anne-Sophie. On le voit sur une photo présente, sur ta page Facebook, peut-être Instagram aussi. Où il y a une superposition d'images entre ton visage et la couverture de ton livre. Exactement. Parce que Anne-Sophie est rousse, mais Axel aussi. Axel aussi. Est-ce qu'elle a quelques traits de ton physique? Les cheveux et puis la taille, parce qu'elle est relativement grande. Donc c'est les principaux traits physiques d'Axel. La couleur des yeux peut-être aussi. Voilà. Est-ce que tu arrives à un moment donné arrêter cette superposition arriver à dissocier Axel d'Anne-Sophie? Est-ce qu'il y a des fois tu te prends un petit peu au... Non, alors... Quand j'écris, je suis vraiment dans le personnage. Oui. Donc à ce moment-là, c'est vrai que je suis un peu moins Anne-Sophie, peut-être un peu plus Axel, mais dans la vie de tous les jours, je suis toujours Anne-Sophie. Tu ne deviens pas schizophrène quand on écrit non. un livre tout le temps. Non, on ne devient pas schizophrène. Est-ce que tu as eu tout de suite envie, avec ce personnage, d'écrire une trilogie? Donc au départ, je savais pas exactement combien de tomes ou si ce serait une trilogie. Et c'est au fur et à mesure, en écrivant les trames, que je me suis rendu compte qu'il fallait couper à un moment, si je voulais pas faire un livre de 1000 pages. Voilà. Comme il y a trois axes vraiment principaux, trois grands événements dans sa vie, d'accord. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire les coupures à ce moment-là. Donc c'est vrai que le tome 1 s'achève sur un cliffhanger, donc on s'arrête sur un suspense en fait. Waouh. Qui donne forcément envie de d'acheter lire le deuxième. Deux pour savoir ce qui va se passer avec ce nouveau personnage qu'on rencontre à la fin. Est-ce que c'est facile de trouver le moment où tu vas couper justement? Parce que si au début tu n'avais pas eu l'idée de faire cette trilogie, à quel moment on se dit là je vais finir là pour recommencer le deuxième? Parce que pour moi ça sonne comme la fin d'un cycle un peu. D'accord. La fin du tome 1, donc elle va vivre des aventures avec Juan. Et effectivement, il va se passer beaucoup d'événements, et dont un gros événement qui fait que ça se finit pas forcément super bien, puisque forcément, dans les trilogies, il faut donner envie. Et c'est pour ça que ça s'arrête comme ça sur quelque chose, sur une note un peu amère. Et on se demande ce que vont devenir les personnages, ce qui va se passer avec le nouveau personnage. Est-ce que Juan et Axel vont continuer à se voir ou pas? Il y a plein de rebondissements. Il y a plein de rebondissements, oui. Des choses assez inattendues. Et oui. Même quand on lit le résumé, même quand on lit quelques pages, on ne peut pas se douter de certains passages. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Mais alors comment ça devient, toutes ces idées? Alors là, je n'ai pas d'explication. C'est ma créativité qui entre en jeu, je pense. Et... C'est tout ce que tu as regardé, ce que tu as lu. Oui, je m'inspire de beaucoup de choses, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de petits passages de ma vie aussi, forcément, que je ne retranscris pas, mais qui me sont quelquefois arrivés. Donc, oui. Voilà. Est-ce que c'est important pour toi parfois de t'identifier à Axel pour pouvoir écrire justement? Oui, c'est indispensable. Parce que tu parles en son nom, entre guillemets. Oui, je parle toujours à la première personne. C'était important pour moi d'entrer vraiment dans le personnage. Il fallait absolument que ce soit quelqu'un qui me ressemble finalement. Un petit peu. Pour pouvoir exprimer un maximum la palette d'émotions d'Axel. Oui. Et au départ, je n'avais pas prévu de faire parler Juan. Et finalement, j'ai réussi à bien me mettre à sa place. Et je me suis dit que ses émotions à lui étaient aussi hyper importantes. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en narrateur. D'accord. Est-ce que parfois, toi, Anne-Sophie, tu ressens des émotions quand tu écris, des émotions qui te submergent à certains passages? Oui, ça m'arrive aussi de devoir faire des pauses, du coup, dans l'écriture pendant plusieurs jours où je vais pas reprendre parce que ça me fait trop réfléchir, la situation me fait trop réfléchir. Et, oui. Et plus j'écris, plus je m'attache à mes personnages. Et plus je me dis « Oh non, je ne peux pas faire ça à ce personnage », des choses comme ça. Parce que je sais ce qui va leur arriver finalement. Hein, donc, quelquefois, ça me perturbe, effectivement. C'est un peu compliqué. Oui. C'est un peu compliqué. Donc, tu l'as dit, hein, tu as fait une trame pour écrire ce roman. Tu connais déjà la fin du tome 3. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'important de savoir comment débute l'histoire et comment va se finir l'histoire pour pouvoir un petit peu, comme tu le dis, étoffer, broder autour après ? Oui, je pense que c'est important parce que sinon, on ne sait pas où on va. Donc, on peut se perdre et... Et oui, je pense que c'est comme un film. Il faut savoir quelle sera la fin avant le début, finalement. D'accord. Ça, c'est important. Oui, c'est important. Est-ce que tu t'imposes un rythme régulier d'écriture ? Alors non, j'essaye d'écrire tous les soirs, quand même. Mais bon, pas le week-end, hein, parce que je profite un peu de mon chéri, quand même. Bah oui, qui rentre que les week-ends. Pas que pour Axel. Non, il n'y en a pas que pour elle. Sauf, il y a un moment, c'est vrai que j'ai dû prendre un peu l'ordinateur les week-ends parce que j'arrivais à des dates butoirs, comme quand j'ai fait le concours Nouvelle Plume, etc. Oui. Il y avait une date butoir, donc là, j'étais vraiment obligée de rendre quelque chose. Mais sinon, à part ça, je m'impose aucun rythme. Je fais vraiment comme je le sens. Eh bien oui, on va en parler juste après notre troisième bulle de son. Hein. Tu as participé à un concours, oui. Tu es même suivie par des blogueuses littéraires, tu nous le disais tout à l'heure. On écoute notre troisième bulle de son, donc sortie encore tout droit de la playlist concoctée par notre invité d'aujourd'hui. Un son de Woodkid pour I Love You. Alors, ça à quel moment de ton roman ? C'est une chanson qui arrive plutôt vers la fin. D'accord. Vers la fin, oui. Donc on ne pourra pas dire quel moment. Non, je ne peux pas dire quel moment parce que c'est un point trop important. Voilà, tout le suspense sera gardé par Anne-Sophie. On écoute donc cette bulle de son et on se retrouve juste après pour la fin de notre émission. Mais bon, on a encore le temps, on va en profiter. Take a trace of you. Where are you? any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways of love, it's like a trace of you. Where are you? Nous sommes toujours dans la bulle avec aujourd'hui Anne-Sophie et Axel, un petit bout hein, d'Axel, personnage principal eh bien, de la trilogie que nous vous proposons aujourd'hui, le torrent d'Axel avec son tome 1, Monsieur Apprenez-moi, qui vient de sortir alors en e-book et en version papier. Voilà, c'est ça, donc en e-book depuis le mois de mai et puis en version papier depuis jeudi dernier. Alors, où trouve-t-on ton livre? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont avoir envie de savoir. Et oui, donc vous pouvez le trouver sur commande, en fait. Vous pouvez aller le commander donc, ou sur Internet ou en magasin. D'accord. Principalement dans les grandes enseignes, donc comme Cultura, la Fnac. Oui. Et puis sinon, vous le trouvez aussi sur Amazon et sur d'autres plus petites librairies en ligne. Et vous pouvez le faire livrer chez vous ou alors dans certains points relais. Voilà, plus d'excuses pour ne pas se lancer dans l'aventure d'Axel. Alors, qui fait un petit peu penser à 50 nuances de Grey. Est-ce que ça t'a vraiment inspiré ou donné un déclic cette trilogie-là? Alors, donc moi, la trilogie de 50 nuances de Grey, je l'ai lue, effectivement. Enfin, j'ai lu tous les livres. Oui. Après, est-ce que c'est ça qui m'a donné l'idée? Non, parce que j'avais déjà lu de la New Romance avant. Oui. Avant 50 nuances de Grey. Et j'ai pas spécialement accroché, on va dire, avec la personnage féminine de 50 nuances de Grey, qui, pour moi, est trop prude. D'accord. Trop prune, en fait. Je trouve qu'elle ressemble... Elle est vraiment adaptée aux États-Unis, parce oui. que eux, oui, c'est qu'ils vrai. Aiment. C'est vrai. Voilà. Et je trouve qu'en France, un peu moins, parce que c'est quand même rare de trouver des personnages comme Anastasia Steele en France, finalement. Et rencontrer Christian Grey, c'est quand même... C'est oui. quand même un peu improbable, alors qu'un professeur d'espagnol, c'est quand même plus probable. Tout à fait. Donc j'avais envie de quelque chose de plus proche, auquel on s'identifie vraiment rapidement. Oui, un peu moins utopiste, quoi. Un peu moins utopiste, et puis c'est vrai que c'est les retours que j'ai. En général, les personnes qui n'ont pas aimé 50 nuances de Grey aiment mon livre. D'accord. Et ceux qui ont aimé aiment aussi mon livre, mais... en tout cas, ceux qui n'ont vraiment pas du tout aimé 50 nuances de Grey, même certains, ça les a bloqués. Oui. Et finalement, ils ont vraiment accroché avec mon livre parce que justement, c'est des personnages plus proches. D'accord. Plus proches de nous. Quand on s'identifie réalité. Plus facilement, je pense à eux. Mais oui, c'est sûr. Qu'un milliardaire. Voilà. Que l'on n'aura sûrement jamais la chance de pouvoir un jour rencontrer. Après, tant mieux, hein, s'il y en a qui rencontrent Christian Grey, allez-y. Petite dédicace à notre Marion, hein, qui est vraiment une grande fan de ces New Romance, justement. Oui. Alors, tu as participé au concours Première Plume avec ce premier tome. Oui, Nouvelle Plume, c'est ça. Pourquoi une première? Ouais, bah écoute, Nouvelle Plume, nouvelle du coup. Plume, ouais. Hein, donc, comment ça s'est passé, cette participation au concours? Alors, en fait, j'en avais parlé avec une vendeuse de chez France Loisirs. D'accord. Du fait que j'écrivais un livre. Et c'est elle qui m'a dit, eh bien, France Loisirs organise un concours qui s'appelle Nouvelle Plume. D'accord. Elle m'a dit, allez vous renseigner sur Internet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite sur la page de Nouvelle Plume. Oui. Et il y avait une date butoir qui devait être, si je ne dis pas de bêtises, le 14 avril. Oui. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai un petit peu accéléré l'écriture, parce qu'il fallait absolument que et oui. ce soit prêt pour cette date. Et j'ai déposé mon manuscrit, qui a été sélectionné pour être lu, parce que ce n'est pas tous les manuscrits. D'accord. Et donc, ils ont eu une version non corrigée, non retapée, puisque oui. j'étais un petit peu juste dans les délais. Je ne comptais plus sur ce concours pour me faire de la pub ou quoi oui. que ce soit. Et finalement, j'ai obtenu une bonne note, donc 8,16 sur et 10. Oui. Je m'y attendais absolument pas, surtout avec la version que j'avais donnée. Ça et donne quand même un bon présage. C'est ça, hein. Voilà, ça fait plaisir, quoi. On se dit que finalement... le travail qu'on fait n'est pas vain et que, oui. et que ça vaut le coup, peut-être. Ça fait du bien d'avoir des retours un peu positifs. Et puis, on garde toute la motivation qu'on a en nous et l'envie de créer. Hein, surtout quand on a des avis qui viennent de personnes qu'on ne connaît absolument pas. Oui. Même si je pense que dans mes amis qui l'ont lu... Il n'y a pas d'hypocrisie entre nous, donc elles me disent vraiment ce qu'elles pensent. Mais quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, effectivement, ça fait d'autant plus plaisir. Et justement, donc, tu me parlais en off de deux blogueuses littéraires qui ont, donc, pour l'une, lu complètement le livre avec un bon retour. C'est ça, elle m'a fait une belle chronique sur sa page Instagram. Oui. Donc là, c'est pareil, j'étais aux anges. Elle l'a lu très rapidement, elle a dû l'acheter le mercredi... à midi, et puis elle a fait la chronique le jeudi soir. Hein, donc, du coup, elle l'a lu très, très vite aussi. D'accord. Et puis donc, la deuxième qui doit le commencer, qui a dû le commencer ce week-end. Donc, comment ça se passe, les contacts avec des blogueuses? C'est via Instagram. Oui. Alors avant, je n'avais pas du tout Instagram. Donc, j'ai ouvert un compte, ni Twitter, d'ailleurs, je n'avais pas tout ça. J'ai ouvert un compte professionnel, si on peut dire, qui est réservé exclusivement aux livres. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître, en partageant des extraits, en faisant des belles photos de couverture, etc. C'est vrai que tu te donnes beaucoup pour tout ça. Hein. Je fais ma com. Mais tu réussis bien. Tu réussis Merci. Bien. Et donc, tu attendras la prochaine critique littéraire quand la deuxième blogueuse aura fini. Tu me disais que c'était des blogueuses qui étaient quand même un petit peu connues, en tout cas qui lisaient beaucoup de livres. Oui, qui lisent beaucoup de livres, qui donnent donc leurs avis et qui font des petites chroniques sur chaque livre qu'elles lisent. C'est sympa. Et puis j'ai organisé un concours avec une amie aussi blogueuse, donc qui n'est pas une blogueuse littéraire, mais une blogueuse assez générale sur beaucoup de choses. Et donc on a organisé un concours pour gagner mon livre en version papier. C'est encore en cours là ? Non, ça y est, le résultat est tombé hier soir. Dommage. Voilà, il y a déjà une gagnante. Est-ce qu'elle le sait ? Elle le sait depuis hier après-midi, donc elle est ravie et elle attend de le recevoir. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, Le Torrent d'Axel, c'est une trilogie, vous l'avez bien compris. Donc, le premier tome est Monsieur, apprenez-moi. Et le second, c'est Perfectionne-moi. Tu es en cours d'écriture justement de ce tome 2. Voilà, je suis en cours d'écriture, donc chapitre 14 actuellement. Enfin non, 15. J'ai fini le 14, donc j'ai attaqué le 15. Oui. Alors comment ça se passe? C'est encore tous les soirs où C'est encore très régulièrement. Voilà, j'essaye. Et puis là, j'ai la pression, si on peut dire, de mes lecteurs qui attendent la suite vraiment avec une grande impatience. Est-ce que tu as une date de publication déjà, une Pas idée du tout. J'ai encore pas de date. Je vais essayer de le sortir peut-être en septembre. D'accord. Voilà. Je sais pas encore combien de chapitres comportera le tome. Donc. Pour l'instant, chapitre 15, et on a passé la moitié de la trame de l'histoire. D'accord. Donc voilà, on continue, et puis j'ai mes lectrices VIP qui lisent les chapitres au fur et à mesure et qui sont à fond. Ah ben, en avant-première, tu m'étonnes. C'est ça. Dépêche-toi d'écrire le prochain chapitre. Voilà, donc elles reviennent régulièrement. Allez vite, donne-nous le 15. Est-ce que tu as fini ? C'est ça. Compliqué. Laissez Anne-Sophie respirer, créer tranquillement. Non, on salue toutes tes amies qui, je pense, sont un grand soutien parce que avoir un retour un petit peu rapide comme ça, ça doit faire du bien. Ça me permet d'avancer. Comme je dis dans les remerciements de mon livre, c'est mes petits moteurs, en fait. Ça, c'est chouette. Elles me font avancer. C'est chouette. Alors, tu es publiée aux éditions LibriNova. Oui. Alors, c'est une maison d'auto-édition. C'est ça, c'est une maison d'auto-édition. Donc, avec programme d'agent littéraire, ce qui D'accord. fait qu'au-delà d'un certain nombre de livres vendus, un agent littéraire s'occupe de nous pour revendre, si on peut dire, notre contrat C'est chouette. Une grande maison. Ah oui. Et donc là, ça ouvre après les portes à la traduction, enfin à tout ce que comportent les avantages des grandes maisons. Et donc, comment ça s'est passé justement avec ces éditions-là? Comment tu t'y es pris? Je me suis renseignée donc, sur Internet. J'ai envoyé déjà mon manuscrit à beaucoup d'endroits. Et bien sûr, toujours adapté. Hein, j'ai quand même envoyé à des maisons qui sont spécialisées en new romance. Oui. Qui ont une gamme new romance, parce que sinon... Autrement, c'est pas la rien. Peine, ouais. Et puis, j'ai eu pas mal de retours. Et c'est ceux qui étaient le plus avantageux, finalement, pour moi, LibriNova. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de passer par LibriNova. D'accord. Alors, comment ça se passe une fois qu'on te dit, OK, tu écris. Toi, tu n'as pas de date butoir pour faire ton écriture. Certaines éditions... Alors là, pour le tome 2, j'ai pas de date butoir, effectivement. Pour le tome 1 non plus, parce qu'ils l'ont reçu. Oui. Ils l'ont reçu. Après, c'est plus, voilà, c'est plus les lecteurs qui font la petite pression pour avoir la suite. Mais sinon, oui, les éditions Librinova, donc c'est Madeline qui s'occupe de moi. Et on est régulièrement en contact. J'ai un suivi des ventes. Ça, c'est chouette. Voilà. Donc, combien d'exemplaires ont été mise en place pour ce premier tome donc qui est édité. Moi j'ai un suivi des ventes numériques. D'accord. J'ai pas de suivi de ventes papier, donc les ventes papier c'est un peu à ce qu'on me dit finalement. D'accord. On me dit voilà, moi j'ai acheté ton livre, etc. Oui. D'ailleurs je dois parler avec elle aujourd'hui pour savoir s'il y a un moyen de savoir un petit peu l'avancée des livres papier. Et donc j'ai le suivi des ventes numériques en direct. D'accord. Mais combien de livres ont été édités version papier ? C'est à la commande. Ah, c'est à la commande. Ah, ben ça, c'est pratique. Ouais. Comme ça, pas d'avance de frais, etc. Non, voilà, c'est ça. Tu as trouvé vraiment le truc bien avantageux. Oui, c'est ce qui était le plus avantageux pour moi, finalement. Ce qui me coûtait pas spécialement d'argent au départ. C'est quand même compliqué. Même s'il y a quand même, une petite somme à mettre, mais c'est pas excessif, donc c'était pas mal pour commencer. Est-ce que tu es contente du retour vente numérique ? Oui, je suis contente du retour vente numérique. En plus, les gens jouent le jeu et laissent les avis aussi sur les plateformes sur lesquelles ils les téléchargent, comme Kindle ou Bookin, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Bah, je suis oui. bien contente. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes ou peut-être moins jeunes qui débutent dans l'écriture et qui, comme toi, un jour auront peut-être envie... d'écrire de gros romans. Le seul conseil que j'ai, c'est peut-être oser finalement, puisque je connais pas mal de gens qui me disent moi je rêverais d'écrire un livre, et je leur dis allez-y, quoi, lancez-vous, faites une trame de votre livre, même si elle n'est pas précise, même si moi j'ai rencontré des amis donc auteurs qui sont auteurs qui m'ont dit que elles, leur trame se résumait parfois à une phrase, finalement par chapitre. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a le fil conducteur, il faut se lancer, il faut tenter, se faire lire par des gens qu'on connaît au départ pour avoir un petit avis. Et puis, participer à des concours. Il faut avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Eh bien, c'est super. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir fait la connaissance d'Anne-Sophie et d'Axel. Alors, une fois que tu auras fini ton tome 2, donc peut-être publié en septembre, on verra bien, on se tiendra un petit peu informé. Hop, tu pars tout de suite sur le tome 3. Oui, je vais enchaîner tout de suite, puisque du coup, ça va faire le même cas de figure que pour le tome 1. Je pense que les gens auront envie de savoir ce qui se passe dans le tome 3. Et comme c'est beaucoup plus long à écrire qu'à lire... il faudra que j'attaque directement. Ouais. C'est comme en cuisine, ça. Tu mets 3 heures à préparer un plat et en 10 minutes, il est et mangé. Et voilà, c'est pareil. Mais au moins, voilà, tu gardes un petit peu ensuite avec ton livre, le bébé sous le coude. Oui. Qu'est-ce que ça fait de voir son livre en réel? Quand on le reçoit, oui, c'est vrai que ça fait quelque chose. Hein. On se dit, c'est moi qui ai fait ça, vraiment. Il y a des autres personnes qui vont l'avoir entre les mains. C'est assez impressionnant, voir la page de copyright. Ça fait vrai livre, quoi. C'est un vrai livre. C'est un peu comme un bébé quand on écrit un livre. Oui, c'est un peu comme un bébé. Et d'ailleurs, on s'attache tellement au personnage que j'avais lu une fois... une citation d'auteur qui disait que finalement, à la fin de l'écriture d'un livre, un livre ou une trilogie ou peu importe, on a comme un petit deuil à faire. Bah oui, il est triste. Et c'est vrai que les personnages, même si pour l'instant ils sont loin d'avoir disparu puisqu'ils sont encore en cours d'écriture, je sais déjà que ça me fera quelque chose. Ouais. C'est sûr. Donc du coup, après le tome 3... Après le tome 3, je me disais non, je vais écrire juste une trilogie et puis je vais m'arrêter là. Et finalement, plus j'y pense, plus je trouve d'autres idées. Donc, je pense peut-être notamment à la sœur d'Axel, qui est un personnage secondaire, mais dont on connaît quelque chose intime, on va dire. Je me suis dit pourquoi pas faire pas une trilogie, mais peut-être un tome. Comme un peu un quatrième tome, mais qui s'appellerait plus le torrent d'Axel, sur elle, justement. D'accord. Voilà. Les idées qui émergent. C'est ça, pour l'instant, c'est juste un petit brouillon dans ma tête, mais pourquoi pas. Bah, en même temps, il faut de la place dans ta tête. À force, il n'y en a plus beaucoup. On a quand même une superwoman, comme je disais au début de cette émission, avec nous, parce que ça prend beaucoup de place, tout ça. Hein. Ça il faut prend vraiment beaucoup de place, de la logistique. C'est ça. Là, la charge mentale est à son maximum. À son maximum. Alors, on l'a dit tout à l'heure, tu seras en séance de dédicace le 1er septembre chez Coup de Foudre à Épinal. Oui. N'hésitez pas à aller voir Anne-Sophie, rencontrer Axel à travers son roman par la même occasion. Est-ce qu'il y aura des ventes de fête à ce moment-là? Je pense venir avec une petite pile de livres pour les personnes qui ne sauraient pas et qui me découvriraient à l'instant T et qui veulent le livre immédiatement. Ils repartiront avec leur exemplaire dédicacé comme ça. Et ben voilà. Vous l'avez compris, on retrouve Anne-Sophie également et bien sûr Facebook, en magasin sur commande, en e-book pour son roman. Voilà, tu es vraiment accessible. On oui. peut avoir ton livre n'importe où. On peut le commander en ligne. Ça, c'est oui, très pratique. C'est ça. Et ça, c'est chouette. Eh ben, je suis ravie que tu sois passée par ici pour nous raconter toutes ces fameuses histoires de New Romance. Ça donne envie. On a envie de lire là tout d'un coup. Profitez-en, il fait beau. Vous vous posez en dessous d'un arbre dans l'herbe et vous vous plongez dans le torrent. Ça vous rafraîchira ou vous donnera chaud. Oui, ça dépend chaud, hein. du moment. Anne-Sophie, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à nos auditeurs? Et nos auditeurs. Je veux vous dire bonne lecture déjà si vous avez le livre entre les mains ou si vous comptez l'acheter. J'espère vous faire voyager dans la vie d'Axel. Oui. Naviguer sur le torrent d'Axel en fait, oui. on va dire. Et puis bah prenez du plaisir quoi. Et bah oui, prenez du plaisir. Bah merci beaucoup Anne-Sophie, moi j'ai merci pris beaucoup de plaisir avec toi pour cette émission. Comme vous le savez, elle sera donc rediffusée pour les couches tard ce soir à minuit, présente sur notre page Facebook et notre site internet si vous voulez avoir la chance de réécouter notre auteur du jour. On se retrouve demain et en attendant, et bien c'est comme tous les jours, n'oubliez pas hein, bonheur, joie et rire à tous. Weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that methus pro, promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young, and you hella grown.